de la Turquie, ils ont dit que ça va, on va les loyer, etc. Mais ils ne savaient pas que déjà j'étais dans les réseaux transnationaux, et j'étais déjà dans plein de luttes, et je suis arrivée ici, je suis entrée dans des luttes très très diverses, donc déjà féministes, antimilitaristes, contre des projets inutiles et imposés, pour les causes des criminalisations de l'immigration, donc pour les droits des sans-papiers, pour plein d'autres choses, aussi pour une sécurité alimentaire, parce que je sais qu'il y a des amis qui sont dans ce réseau, qui sont là, et aussi Forum civique européen, donc je suis entrée dans plein de luttes qui me sont chères, pour dire que moi je ne me sens pas vraiment exilée. C'est-à-dire, je suis comme Végéouf, quand tu trouves tes luttes, c'est pas important la nation. Déjà, ces nations sont créées par les crimes, par les injustices, les frontières, etc. Donc je ne me sens pas appartenir à ce pays non plus. J'appartiens à des luttes, j'appartiens à des causes, j'appartiens à des espoirs. Donc je me suis trouvée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas imaginé ça, mais cette solidarité autour de ce procès est devenu transnational. Et je pense que l'État turc, au début, avait créé ce complot. C'était avant le régime Erdogan, vous vous souvenez, 25 ans avant. Donc c'était une période très, très, très sombre. Et dans cette période, donc dans mon dortoir, à peu près 80% des filles kurdes, donc dans mon dortoir, il y a centaines de prisonnières politiques, étaient violées aux interrogatoires, donc c'était une période comme ça. Et dans cette période, ils voulaient criminaliser les Kurdes à cette période parce qu'il y avait une opération internationale, ils voulaient amener le journal en Turquie, c'était cette période-là. Moi j'étais déjà en prison à cause de mes recherches. Donc moi j'étais arrêtée pour mes recherches, j'étais en prison quand ce procès a commencé. Donc tout à l'heure, mon ami Yves, quand il m'a présenté, il ne m'a pas parlé de mes recherches, il m'a parlé il a commencé directement de parler de cette explosion, mais moi j'étais arrêtée au début pour mes recherches. Et après ils ont voulu me mettre dans ce complot, qu'il y avait un complot contre les Kurdes, mais maintenant je pense qu'ils regrettent de m'avoir mis. Parce que s'ils ne m'avaient pas mis, il n'y avait pas toutes ces luttes convergentes dans ces... Donc peut-être les Kurdes pourraient rester un peu seuls avec quelques soutiens, et ce procès allait finir dans un an ou deux ans. Mais ce procès continue. Et le fait que vous allez partir à Istanbul, vous avez dit, à Nice, il y a une vingtaine de personnes qui seront présentes à mon procès. Et en France, une centaine de personnes à peu près. Donc, le fait d'y aller, pour moi, c'est très important. C'est un acte de solidarité très, très fort. Et quand il y a des massacres contre les femmes iraniennes, surtout femmes kurdes iraniennes, mais aussi toutes les femmes iraniennes, faire des manifestations ici, à Paris ou à Marseille, où nous sommes avec eux, et applaudir, ça ne sert à pas beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, tu applaudis, après tu oublies, tu passes à une autre chose, mais les personnes subissent là-bas tous ces problèmes. Donc aller là-bas, on peut se mouiller, surtout les Européens se mouillent un peu avec nous. Donc je pense que c'est très important. Et donc moi je pense que je fais partie de Marseille parce que je fais partie de Nice, mais je fais partie de Méditerranée. Et cette Méditerranée, nous avons, je crois, le même drapeau. Le même drapeau, c'est-à-dire l'huile d'olive, citron, aubergine. Nous n'avons pas de drapeau et nous refaisons notre drapeau. Grâce à notre solidarité transnationale, nous avons créé notre monde, je suis sûre. Merci. Voilà, donc vous venez d'entendre Pinard, la parole de Pinard lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à Marseille donc le 10 mars 2023. Et donc Pinard, c'est une sociologue franco-turque qui est une militante antimilitariste, féministe, libertaire, écrivaine, militante également de la poésie, comme elle dit, et qui vit depuis 25 ans un cauchemar. Malheureusement, elle a été obligée de s'exiler en France dans les années 2009. Elle était en France depuis 2012, mais elle s'est exilée d'abord en Allemagne. Et elle est en dehors de son pays et elle vit donc ce cauchemar. Donc, vers la fin des années 90, Pinard avait entamé une enquête d'histoire orale sur la diaspora politique kurde. La police turque l'arrête le 11 juillet 98 et lui demande de livrer les noms de ses enquêtés. Elle refuse de le faire et malgré les actes de torture qu'elle subit durant les 2 ans et demi de son emprisonnement, parce qu'elle était en prison. Le 20 août 1998, Pinard apprend en prison qu'elle est accusée sur base d'un faux témoignage d'être la commanditaire d'un attentat qui a frappé le marché aux épices d'Istanbul. Elle est alors qualifiée de terroriste. Plus tard, on saura que ce soi-disant attentat est en fait une explosion accidentelle qui a été maquillée en attentat dans le but de l'accuser. Après sa libération le 22 décembre 2000, commence alors pour elle une saga judiciaire infernale. Par 4 fois, Pinard est condamné et acquitté. Son premier acquittement est en 2006, il a été cassé en 2007, deuxième acquittement en 2008, cassé en 2009, troisième acquittement en 2011, cassé en 2012. En 2013, la Cour condamne Pinard Selek à la prison à perpétuité, une condamnation qui a été annulée en 2014 suite à un appel des avocats dénonçant les illégalités de cette procédure. Et elle a un quatrième acquittement fin 2014 et en janvier 2017, le procureur de la Cour de cassation demande une condamnation à perpétuité pour terrorisme. En juin 2022, la Cour suprême annule son quatrième acquittement. Et le 6 janvier 2023, le tribunal criminel d'Istanbul lance à l'encontre de Pinard un mandat d'arrêt international avec demande d'emprisonnement immédiat. Avant même que les juges de cette juridiction ne se soient prononcés, la première audience étant fixée au 31 mars 2023. Donc ce procès aura lieu le 31 mars 2023. Et alors, sur Mediapart, Pinard avait écrit ceci. Quand l'année 2023 est prévisible, à l'occasion des échéances électorales, on verra de nouvelles explosions ou des attentats organisés par les invisibles. Les enquêtes n'aboutiront jamais, comme le complot dont je suis victime. Mais on se pose la question, pourquoi un tel acharnement? Pourquoi Pinard est-elle si dangereuse pour l'État turc? Pour ses recherches sur les minorités en Turquie? Alors, on va vous passer des extraits de textes qu'elle a écrits, qui sont lus, donc, comme je vous ai dit au début, par Maya Chauvier. Donc, voici un extrait d'un texte sur les Arméniens dans « Parce qu'ils sont Arméniens ». Parce qu'ils sont Arméniens. Dans les cours, on imposait aux enfants de répéter les discours absurdes du régime militaire. Qui sont nos ennemis de l'intérieur et ceux de l'étranger? Les Turcs avaient beaucoup d'ennemis. Les terroristes, les communistes, les Arméniens, les mots étaient interchangeables. Depuis le coup d'État, tous les démocrates avaient été déclarés communistes, tous les communistes arméniens, tous les Arméniens terroristes. D'après les livres que nous devions apprendre par cœur, ligne après ligne, le diable nommé Arménien était l'éternel ennemi du Kurde. Arménien signifiait comploteur, collaborateur, traître, ennemi de l'intérieur, assassin. C'était eux, la force occulte derrière les communistes. L'injure « bâtard d'Arménien » tenait le haut du pavé parmi les insultes les plus populaires. Dans les cours de littérature, on ne pouvait parler ni de Nazım Hikmet, ni de Yasar Kemal, ni de Kemal Tahir. Poésie ottomane par-ci, poésie ottomane par-là. Alors je m'étais assigné une mission. Placarder des poèmes de Hikmet dans les couloirs de l'école. Mais ces affiches ne restaient pas sur le mur plus d'une heure. en classe, ma main était toujours levée. Autant que mes mots le permettaient, je parlais d'égalité, de liberté et de paix. Et de temps à autre, j'osais même prononcer les mots « capitalisme » ou « fascisme ». Les caricatures me fixaient comme si j'étais une vilaine communiste. La situation de mon père les poussait sans doute à me tolérer. Dans toute l'école, aucune autre élève n'avait sa mère ou son père en prison. J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé personne. J'en avais parfois assez d'être la rebelle de la classe. Je me cherchais des complices. Savez-vous qui étaient les plus silencieuses pendant ces cours? Les Arméniennes. Voilà, donc c'est un groupe qui s'appelle le groupe Jurum, et c'est un groupe de musique révolutionnaire qui est également poursuivi par l'État turc pour soi-disant appartenance à une entreprise terroriste, car le gouvernement considère que cette formation musicale est affiliée au DHKPC, qui est un parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple, qui est d'obédience marxiste-léniniste et qui est inscrit sur la liste des organisations terroristes de la Turquie, de l'Union Européenne et des États. Donc c'est des accusations sans fondement et dont les musiciens ne cessent de se défendre depuis toutes ces années. Et d'ailleurs, la chanteuse de ce groupe est décédée en avril 2020 suite à une grève de la faim, 288 jours de grève de la faim. Voilà. Alors, nous allons revenir à Pinard. Alors donc, pour connaître Pinard, quoi de mieux de lire des extraits de certains de ses nombreux écrits. Alors, nous avons choisi en premier un extrait tiré du roman « La maison du Bosphore ». Comment s'était-il réveillé cette nuit-là? Un réveil soudain. Comme en plein milieu d'un rêve, de peur de l'oublier. C'était il y a tant d'années, 8 ans déjà. Le temps passait trop vite. Cette nuit-là, Raphaël, son père, l'avait serré contre lui. De l'extérieur parvenaient des bruits secs, des cris. Ensuite, des types à moustache avaient surgi dans sa chambre. Fikret n'oublierait jamais le coup de crosse reçu dans sa poitrine. Il s'était relevé, plein de rage, de rancœur. Dans ce brouhaha, son père l'avait enlacé et réussi à lui chuchoter quelques mots à l'oreille. Fico. Les militaires se sont emparés du pouvoir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Surtout, n'aie pas peur. Je te confie ta mère. Aide-la. Quant à ce que tu dois faire, elle te conseillera mieux que moi. Fico, je ne parle pas seulement en père, mais aussi en camarade. Nous ne sommes pas vaincus. Nous résisterons jusqu'à la fin. Sois fort, mon fils. Continue surtout d'aller à l'école. Ils avaient traîné Raphaël au dehors. Et quand Fikret, surmontant la douleur causée par les coups de crosse et les gifles, voulut atteindre la porte pour lui courir après, il entendit les hurlements de sa mère. Sur le seuil se tenaient 8 ou 9 policiers en civil, bardés d'armes. Ils étaient tous moustachus, sauf un. Sale moustache. Apercevant sa mère à terre, Fikret courut vers elle et reçut un coup de pied dans le ventre. Le plus petit d'entre eux avait tordu son bras. « Fils de pute, où sont les amis de ton père ?» Fikret avait regardé l'homme avec haine, les yeux sombres, les lèvres minces, les mains blanches, quand il avait reçu une autre gifle. « Bâtard de communiste !» Bâtard, toi-même. Un autre coup de pied. Soudain, Derbent s'était enveloppé de cendres sales. Il avait vu l'ombre de son père devant la porte et s'était mis à pleurer. Puis il avait fermé les yeux, pris une profonde respiration, écarté les mains et inspiré de toutes ses forces. Les hurlements de sa mère s'étaient tus. La femme avait les vêtements déchirés, les seins à l'air, les cheveux ébouriffés. Fikret, titubant, avait reçu encore un coup de pied. Les deux pièces étaient sans dessus-dessous. les policiers l'avaient interrogé en hurlant, injurié, sans attendre la réponse. Puis, ils avaient emmené sa mère. Ficrette fermait les yeux. La même voix résonnait depuis des années dans ses oreilles. Une voix qui étouffait même le son des machines. « Chef, on emmène aussi ce chien ?»« Non. Si le type ne parle pas, on s'amusera avec sa femme. » Thank you. Voilà. Donc, dans L'Insolente, qui est un dialogue entre Pinard Sélec et Guillaume Gamblin, Pinard parle de son engagement précoce, grâce notamment à son grand-père, cofondateur du Parti des travailleurs de Turquie, mais aussi de son féminisme et de l'association Amargi, qui lutte contre les violences faites aux femmes, cofondée par elle en 2001. Écoutons quelques extraits. Peu après le coup d'État, alors que j'étais à l'école primaire, j'avais entendu parler de matérialisme dialectique de Marx. J'étais curieuse. Je voulais savoir ce que c'était. À la maison, il y avait plein de livres, alors j'ai lu ceux que je trouvais sur le sujet. Mais je ne comprenais pas grand-chose. Comme je continuais à aller chez mon grand-père dans sa maison à la montagne, je lui ai demandé de m'expliquer la dialectique. Il m'a dit « Tout est lié, tout change, rien n'est statique. » Je lui ai dit « Mais oui, mais comment ?» Il m'a répondu, et je n'ai jamais oublié cette leçon, « Tu mets de l'eau sur le feu et elle commence à chauffer. À 100 degrés, elle va changer de caractère. C'est une transformation qualitative. Les petits changements quantitatifs donnent lieu, s'ils continuent, à une transformation qualitative. Mais par exemple, si tu as chauffé l'eau à 75 degrés, que tu as éteint le feu et que tu es allé faire pipi, tu reviens et tu rallumes le feu. L'eau ne va pas repartir de 75 degrés. Elle aura refroidi, parce que rien ne reste dans l'état où tu l'as laissé. Je me souviens, nous étions devant la cheminée. Je n'ai jamais oublié cet enseignement, que ce soit dans mon militantisme ou dans ma vie privée. Je sais qu'il ne faut pas éteindre le feu. Mon grand-père m'a appris de nombreuses choses comme cela. Il avait une capacité de transmission, de vulgarisation extraordinaire. Il existe des perspectives féministes qui cautionnent le militarisme, le racisme et le colonialisme. Quand vous démarrez la lutte contre le patriarcat, vous butez sur d'énormes structures de pouvoir. Vous commencez donc à combattre également l'État, le capitalisme, le système qui écrase la nature, le nationalisme, le racisme, le militarisme, l'hétérosexisme. Vous constatez que ces systèmes créent eux-mêmes le sexisme, puisque les rapports sociaux de sexe sont construits par des institutions sociales et politiques. Au sein des mouvements institutionnels comme des mouvements autogérés que j'ai rencontrés lors de mes voyages en Europe, j'ai souvent rencontré une domination de l'identité ethnique dominante et de la classe moyenne. Les revendications, les projets, les manifestations de ces mouvements ne répondent alors pas aux différentes problématiques des femmes en fonction des régions, des classes, des appartenances ethniques, des orientations sexuelles. Ces mouvements peuvent reproduire les rapports de pouvoir et cela endommage leur pouvoir commencé. À Istanbul, il y avait des antimilitaristes féministes, des socialistes féministes, des anarcho-féministes, des éco-féministes. À Amargi, nous étions tous là à la fois. Personnellement, je ne peux pas me définir simplement comme féministe. Mais je n'ajoute pas non plus d'autres qualificatifs à mon féminisme. Faut-il un qualificatif pour pouvoir différencier mon féminisme des autres ? Je suis écologiste, mais je ne me définis pourtant pas comme écoféministe, car c'est mon féminisme qui me sert à interroger l'anthropocentrisme. Antimilitariste, antiraciste, antinationaliste, écologiste, anticapitaliste, anti-hétérosexiste, si je les ajoute tous devant mon féminisme, cela devient une phrase sans fin. Au sein de la rédaction d'Amargi, nous appelons ça le féminisme acrobatique. Pour lutter contre cette pieuvre aux nombreuses tentacules, il faut vraiment lutter avec une acrobatie créative. J'ai l'impression que ce qui permet cette acrobatie, c'est d'être capable de voir dans toute son urgence l'oppression de tous les êtres dans leur singularité. un féminisme qui creuse cette perspective peut ouvrir la voie à une politique radicale. Leurs chants sont plus beaux que les hommes, plus lourds d'espoir, plus tristes, et plus longue est leur vie. Plus que les hommes, j'ai aimé leurs chants. J'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. Il m'est arrivé d'être infidèle à mon bien-aimé. Jamais au chant que j'ai chanté pour lui. Jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Quelle que soit leur langue, j'ai toujours compris les chants. En ce monde, de tout ce que j'ai pu boire et manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu voir et entendre, de tout ce que j'ai pu toucher et comprendre, rien, rien, rien, rien, rien, rien ne m'a rendu jamais aussi heureuse que les chants. Voilà, donc Nicole m'a demandé d'intervenir pour raconter de quoi il s'agit comme chanson. En fait, c'est un poème de Nazim Hikmet, dont on a parlé déjà, qui a été traduit du turc en français. Ça s'appelle « Le chant des hommes »,« İnsanların Türküleri », et c'est chanté par Ayda Ahugiray. Merci. Et la musique d'avant, c'était un Arménien qui vit à Bruxelles. Oui, mais je dois chercher. C'est Vardan Hovhannissian avec Emre Gültekin. Je sais seulement que Vardan est un joueur de duduk, qui est un instrument arménien qui est très beau, comme vous l'avez entendu. Ok, merci Hans. Donc, nous allons continuer. Donc, toujours dans l'insolente. Donc, Pinard se demande comment allier le pessimisme de l'intelligence avec l'optimisme de la volonté. La révolution heureuse, la joie sans fin, l'amour sans contrainte, les aventures miraculeuses. Une vie qui nous fait dire sans arrêt, c'est extra. Non, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Non, si, si, ceci, mais. Donne l'indice d'une possibilité difficile. En suivant Gramsci, j'essaye d'allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. En réfléchissant sur les racines sociales et politiques de la tristesse de ce monde, je me demande comment les saisir. Et plusieurs questions s'enchaînent. Comment ne pas s'habituer à l'ordre des dominants? Comment ne pas s'aligner? Comment ne pas rentrer dans le rang? Comment résister? Comment changer? Comment s'organiser? Comment décider? Comment partager? Comment habiter? Comment vivre? Par quel angle vais-je rejoindre le vent? Quelles sont les dimensions de mon voilier? Quelles sont mes ressources? Comment puis-je les mobiliser? Eh oui, plus de questions que de réponses. Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere tava hep aynı hava. Hmm. Bir öyle bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah. Başına buyruk kararlardan fermanlardan illallah. Bir öyle bir böyle kelamlardan yasaklardan illallah. Başına buyruk kararlardan fermanlardan illallah. Aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla. Bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yaş. Aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla. Bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yaş. Gel yavaş gel yerler yaş. Voilà, Nicole m'a de nouveau demandé d'annoncer, enfin de désannoncer le morceau. Donc, excusez-moi pour ma prononciation du turc, je ne parle pas bien turc du tout. Donc, c'est le groupe Kardeş Türküler avec la chanson Tensere Tava Havashi, si je comprends bien. Et ça veut dire le son de casserole et de poêle. Mais ils utilisent aussi des tasses et des verres. J'ai vu dans la vidéo. Ok, merci. Voilà, donc maintenant, pour tout ça, pour Pénard, il y a une grande campagne de solidarité qui s'est mise en place pour dénoncer et empêcher donc, de manière indéfectible cette nouvelle condamnation à son égard et ses 25 ans de persécution politico-judiciaire. Donc défendre Pénard, c'est aussi se tenir aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui sont victimes d'abus, de répression et de terreur. Alors, on va écouter une interview de Mariam. Mariam qui est en Suisse et à propos de cette campagne de solidarité. Donc, voilà. Donc, bonjour Mariam. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie du comité de soutien à Pinar Selec. Est-ce que vous pouvez me raconter de la campagne qui est en cours et qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Quelles sont vos actions? Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui sont faites. La priorité aujourd'hui, c'est de renforcer encore la délégation qui va se rendre à Istanbul pour le 31 mars pour assister au procès en personne. Ouais. Actuellement, il y a une centaine de délégués qui sont annoncés, mais nous pensons que ce serait bien qu'il y ait encore un renforcement sur le plan international qui se manifeste. Ouais. La très grande majorité des délégués viennent évidemment de France. Il y a des présidences d'universités, des ONG des droits humains, des syndicats, des avocats. Et il y a aussi plusieurs mairies qui seront présentes avec des délégués, Paris, Marseille, Strasbourg, Nice, Lyon, Grenoble, aussi tout le sud, l'Aude, l'Ariège, l'Alpes de Haute-Provence. Et donc en France, la campagne est très intense et très importante. La semaine passée, à Marseille, le maire a reçu Pinar Selec et l'adjointe de la mairie s'est engagée à être aussi présente à Istanbul. Okay. C'est important que cette délégation soit bien fournie parce que, évidemment, être témoin direct pour entendre la vérité que Pinar Selec est innocente est une chose tout à fait importante. Et donc actuellement, nous travaillons encore à renforcer cette délégation sur le plan international. Il y a déjà des délégués annoncés, mais encore pas en grand nombre, d'autres pays que la France. Et ça, c'est une des priorités. On a aussi des pétitions qui peuvent être signées, soit une pétition qui a été lancée, on trouve toutes ces informations en fait sur le site de Pinar Selec. Uh-huh. Le site c'est pinarselec.fr. Oui. Et si vous allez sous Agir, vous verrez qu'il y a plusieurs actions qui sont proposées. Ouais. En particulier une action qui est initiée par la Ligue des droits de l'homme et qui est aussi une action de signature. Cette fois, c'est une action de signature collective d'ONG ou d'associations, de syndicats, de partis. Oui. Et puis, il y a une autre pétition qui a été lancée par les étudiants et étudiantes de Pinar Selec, qui, elle, est aussi sur ce site et qui est une pétition qui peut être signée individuellement par toutes les personnes qui soutiennent Pinar Selec. Okay. Il y a une action aussi de carte postale qui est proposée et puis partout peuvent se créer des comités de soutien. Mais ce qui serait important aussi pour la Belgique, c'est s'il pouvait y avoir des élus, soit des parlementaires, il y a un travail qui se fait au niveau des parlementaires européens, mais aussi ça peut être d'autres personnes, représentantes du syndicat ou d'associations des droits humains ou d'autres associations. Ce serait vraiment une chose importante qu'il puisse y avoir un renforcement du côté de la Belgique en présentiel. Je pense qu'il y a aussi un élément qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'il est important que maintenant, il reste 18 jours avant le procès, oui, que maintenant s'intensifie encore la campagne aussi par la parution d'articles, ou comme vous le faites vous ici avec une émission au niveau de la radio. Et ce sera aussi important que tout le monde suive de près ce qui va se passer le 31 mars même, et qu'ils sont prêts à réagir. Parce qu'il n'est pas du tout encore certain qu'ils puissent être confirmé dans son innocence. Et donc, c'est très important qu'on soit prêt à agir et à réagir dans tous les cas de figure, je dirais. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, elle a été acquittée 4 fois. Elle a été acquittée 4 fois, absolument. Et le dernier acquittement date de 2014. Ça fait donc quand même plus de 8 ans que cet acquittement a eu lieu. Et la Cour suprême a décidé de lever cet acquittement. À chaque fois, il y a eu un appel du procureur. Ouais. Et pour ce qui est du 4e acquittement, qui était celui qui était le dernier, qui confirmait avec toutes les preuves que vraiment Pinar Selek n'a rien à voir avec l'explosion qui a eu lieu en 98 au marché des épices. Elle a été arrêtée en raison de ses recherches sur les minorités kurdes, et elle a refusé de donner, en fait elle est sociologue, et elle a refusé de donner le nom des personnes qu'elle a interviewées. Elle a été arrêtée pour ça. Et c'est en prison qu'elle a appris qu'elle était accusée de cette explosion, qui est une explosion, ça peut être prouvé, qui est une explosion accidentelle, une bonbonne à gaz qui a explosé. Et donc, à 4 fois, ça a été établi, et à chaque fois, pour des raisons politiques, il y a eu appel. Et là, c'est en 2014, le dernier acquittement, qui a été aboli, on peut dire, en juin de 2022. Et c'est, il a fallu attendre aussi là 6 mois avant d'avoir la confirmation officielle par les avocats. On a reçu l'annonce qu'au début de cette année, le 6 janvier de cette année, les avocats de Pinar Selek ont appris qu'effectivement, la Cour suprême avait levé, annulé cet acquittement. Okay. Donc c'est une farce, mais qui est vraiment très très coûteuse, c'est oui, totalement aberrant. Ouais. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc nous revenons ici. Effectivement, Marianne dit pas mal de choses dans ce que je voulais dire. Il faut savoir aussi que ce procès coûte cher et qu'il y a une charge financière sur sa famille qui risque d'être importante. Et en plus de la charge psychologique et tout ça que ça entraîne. Mais voilà, donc en fait, je vais un peu reprendre ce qu'a dit Marianne. Donc, pour les initiatives qui ont lieu pour soutenir Pinar et mettre en échec cet acharnement, on vous demande d'écrire avant le 31 mars un mail aux ambassades de votre pays, aux ambassades turques de votre pays. Ensuite, de signer effectivement des pétitions. Là, j'apprends qu'il y a une pétition de ces étudiants. Il y a plusieurs pétitions. Donc, vous pouvez toujours regarder sur le site pinarselek.fr à la rubrique Agir. Là, vous avez toutes les informations pour savoir un peu ce qu'il faut faire. Et il y a une pétition qui est soutien à Pinar Selek pour un acquittement définitif. Et il faut diffuser massivement, vous joindre à une délégation internationale donc, qui se rendra à Istanbul. Alors pour ça, pour toute personne qui pourrait se déplacer, on doit s'adresser au comité de soutien en envoyant un mail à Pinar Selek Coord, COORD, tout ça en un seul mot, @list.riseup.net. Alors, de faire également une large diffusion auprès de militants, militantes, auprès de vos relations, auprès de personnes que vous connaîtriez, dans des radios, dans des journaux ou dans d'autres médias ou des choses comme ça. Également, on demande si vous pouvez, il y a un site pour participer au financement de la délégation de militants et militantes et de sympathisants et sympathisantes qui doivent se rendre à Istanbul. Alors ça, vous trouverez ça également sur le site de Pinar Selek. Donc je vais quand même vous lire le site www.helloasso.com/association/karinka/1. Voilà. Et enfin, c'est comme disait Marianne, c'est de se préparer au résultat du procès, peut-être à manifester devant les ambassades, à crier haut et fort que c'est pas normal. Et voilà, donc il faut attendre le 31 mars pour pouvoir réagir. En tout cas, je pense que cette condamnation est complètement absolument atroce. Ça fait 25 ans que Pinard se bat avec cette justice d'un État totalitaire. Et c'est quand même absolument aberrant. Ok, donc on va passer un petit mot à la fin. Le ciel est vaste, les mers immenses, les étoiles nombreuses. Le monde est infini. Personne ne peut m'enfermer. Vous êtes à l'écoute de... De Tranjana. De Tranjana. De Tranjana.